a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! Touchdown! He did it! He did it! Cleary did it! Pass play. Here's a shot! Henderson made a wild stab for spell. Here's another shot right by the door! C'est long et c'est gardé. Julian Fairley file jusqu'à la zone début. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. Oh, the man is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The Bears have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. Je suis votre hôte Nicolas Duchamp, Pierre-Luc Giroux au micro numéro 2. Comment ça va Pierre-Luc? Ça va très bien toi. Cacher les femmes, cacher les enfants, un entraîneur a été congédié. Eh oui, ça fait la une en ce moment à Montréal. Ça fait la une pas mal partout au Québec. Je lisais ça là, cette nouvelle-là a été plus couverte que la tuerie de Dawson. Au niveau impact médiatique, là, selon les données, là, je me souviens plus de l'institut qui compile ça, mais la nouvelle du congédiement de Guy Carbonneau a été plus couverte que des nouvelles comme... C'est-tu quoi, Nicolas? Quoi? Ça me surprend même pas. Ben non. Ça, moi non plus, là. Non, c'est... y a rien de surprenant là-dedans. C'est ça, Montréal, hein? C'est ça. Le Québec. Le Canadien, c'est tout pour eux. Ben, écoute, c'est ça, quand t'as pas d'autres sports, là, fait que je suis mal placé pour parler, j'ai un chalet du Canadien présentement, mais bon. Une calotte, et j'ai mes boxeurs avec le visage de Tom Costopoulos dessus. Donc, on n'était pas là la semaine dernière, on était en vacances, donc on est content d'être de retour. On vous lâche pas pour le reste de l'année, là, de notre année scolaire, là, du moins, on sera pas là cet été. Donc, on va avoir du fun pour les semaines à venir, promis juré, je cracherai bas à terre, mais faudrait que je ramasse, puis ça me tente pas. Donc, vous savez, pour nous joindre en studio, c'est le live à commercial inconduitdeparti.com. Si vous voulez les chroniques, réécouter nos émissions ou aller voir ma savoureuse recette de biscuits au raisin, c'est le www.inconduitdeparti.com. Cette semaine à l'émission, on va parler des Patriots hockey qui ont vu leur belle saison se terminer vendredi dernier, malheureusement, face aux Redmen de McGill. On va aussi parler des Patriots soccer qui clôturaient leur saison de soccer intérieur cette semaine, que ce soit chez les hommes et les femmes. Et en deuxième partie d'émission, c'est la chronique junior majeure de Pierre-Luc Giroux qui est à ma côté ce matin. Mais tout d'abord, les actualités de la semaine. Alors, cette semaine, deux nouvelles sont venues retenir mon attention. Nouvelles que, bon, ben, j'ai pas devant moi présentement, mais la combine de football de la CFL était cette semaine. C'est-à-dire qu'on a vraiment évalué tout ce qui est les jeunes prospects, les joueurs qui ont des chances de se faire sélectionner cette année dans le repêchage, justement, des Canadiens de football. Et c'est le porteur de ballon des Gators de Bishop Jamal Lee qui en a mis plein la vue. Vraiment, il a réédité des records de cette combine-là. Par exemple, au 40 verges, la fameuse course du 40 verges, il a fait un temps de 4,39 secondes. C'est vite. C'est très, très vite. Moi, je pense que je le cours en 10 secondes et demie avec le Vanaldo. Donc, il a réédité la marque de Jean-Frédéric Tremblay du Rougéard de Laval qui avait été faite en 2004, qui était de 4,41. Bon, on s'entend que ça dépend à quand est-ce que tu pars le chronomètre, là, mais... En tout cas, l'athlète de 21 ans s'est effectué un saut vertical de 44 pouces, ça aussi c'est très haut, il a battu par 2 pouces le saut qui avait été réussi par le receveur Samuel Giguère, qui est maintenant avec les Colts d'Indianapolis. Le record avait été fait l'an dernier. Le père de Jamal Lee, Orville de son prénom, qui avait joué lui aussi dans LCF, il était bien fier, c'est ça. Puis dans le fond, là, ce que je voulais dire, c'est que Jamal Lee est présentement classé premier ou deuxième rang là, sur la liste. Sur la liste du bureau de recrutement de la LCF, il est deuxième. Selon TSN, il est premier. Donc, ça regarde bien là, pour eux. C'est les Tiger Cats d'Hamilton qui ont le premier choix au repêchage. Donc, comme ils viennent de perdre Jesse Lumsden, j'ai une forte impression qu'ils vont s'essayer avec Jamal Lee. Deuxième nouvelle, la classique de baseball, du monde, dans le fond. Le Canada est en action. On sentait le Canada une bonne équipe au niveau de l'attaque. On parle de Justin Morneau, on parle de Jason Bay, Matt Stairs, qui a d'autres, Corey Koski, en tout cas des bons joueurs. Luke Carlin, le Québécois Luke Carlin est catcher, mais on s'entend, receveur. On s'entend avec Russell Martin, qui est receveur, qui est aussi tout un joueur, là, donc des bons joueurs. Le problème avec le Canada, les lanceurs, on l'avait dit, beaucoup de lanceurs se sont désistés. On peut penser même à Ryan Dempster, qui a signé un contrat avec les Cubs de Chicago, un gros contrat, ce qui a fait que, d'après lui, là, les Cubs ont sûrement dit, gars, on préférait que tu participes pas à la classique parce que tu pourrais te blesser, on a besoin de toi en début de saison. Les cas de printemps, la Ligue des Pamplemousses et la Ligue des Cactus a commencé. Donc, se sont dissités. Donc, quand t'as dans ton meilleur lanceur, là, c'est Steve Green, ça regarde mal. Ça regarde bien mal. Puis, c'est ce qui est arrivé. Écoutez, le Canada s'est battu très fort contre les États-Unis au Rogers Center, une défaite de 6-5, mais défaite contre l'Italie, 6-2, quelques jours plus tard. C'est celle-là qui fait un peu plus mal. C'est celle-là qui fait un peu plus mal, parce que si le Canada gagnait, on allait dans un match éliminatoire contre le Venezuela, le gagnant, c'était les deux meilleures équipes qui sortaient du pool, si on peut dire, là, de la poule, pour aller en français. Donc, mais malheureusement, le Canada n'a pas réussi à sortir, n'a pas réussi à battre les États-Unis non plus, ce qui avait été fait là, 3 ans, si je me souviens bien, où on avait battu les États-Unis. Donc, malheureusement, en tout cas, on en repassera. Et finalement, dernière petite nouvelle, l'impact, quel effondrement. Ben oui. C'est pas facile. Sérieusement, l'impact, on les plaint. C'est plate pour eux autres qui est arrivé, mais que voulez-vous? C'est la dure réalité. Ils affrontaient une équipe meilleure. C'est la dure réalité de l'impact. C'est la dure réalité, mais ils se sont battus, puis vraiment, je pense qu'on peut être très, très fiers d'eux. Donc, on va maintenant aller en musique avec la chanson qui vraiment là est venue me rappeler l'été de mes 15 ans, où est-ce que j'ai rencontré une jeune fille. Elle ne s'appelait pas Myriam, contrairement à cette chanson, mais elle avait tous les airs d'une Myriam. Donc, on va aller écouter du groupe Mauvais Quart d'heure. Voici Myriam sur les ondes de C'est fou 89.1. Alors, on essaye d'écouter Myriam. Ça serait vraiment le fun d'écouter Myriam, mais Myriam ne semble pas... Collaborer. Écoute, ça me rappelle la vraie de vraie Myriam, hein, qui, elle non plus, n'avait pas collaboré à l'époque. Ben écoute, on va faire on va changer ça. Qu'est-ce que vous diriez d'écouter Antoine Graton avec la chanson 500 000 000? Donc, Antoine Graton, merci de venir me sauver. Allez, bonne journée tout le monde. Je vais vous raconter l'histoire de Kim et de ce qu'elle ne comprenait pas trop. Elle était pas mal tannée de regarder la télé entre sa mère et son nouveau. Soit ça passe ou ça casse, y'a ben des maudites limites. Sans s'en tombe en pleine face, y'a des maudites limites à ce qu'un enfant peut endurer. Le jour qu'elle s'est décidée, personne n'avait remarqué qu'elle s'était poussée. Un jour à la fois, Gaëtan et Sledge lancent chacun pour soi. Soit ça passe ou ça casse, y'a fait des maudites limites.

acculé au pied du mur et tout seul. Tout ça pour être libre, quel beau rêve. Dans la grande ville où tu marches, où tu crèves. Mais parmi la déprime, loin de chez elle. Piégé de plus en plus dur et tout seul. Tout ça pour être libre, quel beau rêve. Sur Saint-Laurent où tu marches, où tu crèves. Vous savez, dans la vie, il arrive que des accidents, hein? Bon, on vient d'aller écouter Major Lee avec la chanson Un tour dans la ville. Donc, Antoine Graton, on se garde ça pour plus tard. Manquez pas ça, ça va être excellent. Les séries de la CIS se continuaient cette semaine alors que les Redmen de McGill devaient se frotter à nos Patriotes dans une série de 2-3 pour couronner le champion de la division Est de la Conférence des sports universitaires de l'Ontario. On se rappelle que pour se rendre là, les Pats avaient dû vaincre difficilement par là-dessus. Là, les Ravens de Carlton, ça s'est rendu au troisième match, deuxième période de prolongation. Un but de Jean-Sébastien Breton, là, un tir, c'était pas un super jeu, un petit peu escarmouche devant le but, a réussi à rentrer. Ce qui avait fait exploser le Colisée de Trois-Rivières. Donc, puis avait fait donner la victoire 5-4 pour les Patriotes. McGill, de leur côté, avait aisément battu Toronto en 2 matchs pour se rendre en finale de division. Ils avaient même affronté Concordia avant, eux qui n'avaient pas de passe droite, qui avaient aussi battu facilement. Donc, pas Concordia, excusez, ils avaient affronté Ottawa, désolé, mais on erreur. Donc, McGill, c'est ça. Donc, à mon avis, écoutez, ça regardait pas super bien pour les Patriots. La fin de saison des Patriots a été difficile un peu, puis McGill, c'est surtout McGill. Là, la troupe de Martin Raymond, il joue du hockey inspiré depuis le retour des Fêtes. Ils sont vraiment, vraiment en feu. L'arrivée de Kevin Desfossés, Kedef pour... comment il l'appelle? Kedes pour... Les McGill avaient vraiment aussi changé beaucoup de choses. Un excellent gardien de but. Donc, la série commençait mercredi dernier, ici même à Trois-Rivières. Les QTR sont sortis très fort. 19 tirs en première période contre 9 pour McGill. Donc, c'est toute une prestation pour les Pats. Malheureusement, c'est McGill qui profite de leur chance sur leurs 9 tirs. Des buts de Marco Kovacevic et de Leonard Verrilli. Donc, c'est 2-0 après la première période. On espère un petit peu plus pour l'UQTR. Malheureusement, en deuxième, c'est totalement le contraire. Martin Raymond s'est ajusté au jeu des Patriotes. En deuxième période, c'est 14-6 les tirs pour McGill. Donc, tu sais, revirement de situation assez drastique. Troisième période, Francis Véropol, l'ancien des Saguenayens de Chicoutimi, qui vient mettre le clou final dans le cercueil des Patriotes pour cette partie-là. Avec un but, c'est ça, à 3 minutes 25 de la troisième période. Étienne Bellavance-Martin va en mettre un pour les Pats 2 minutes plus tard, mais ça sera pas assez. Donc, les Pats s'inclinent 3-1. Les 3 buts des Redmen sont en avantage numérique. Donc, tu sais, vraiment, au niveau des unités spéciales, ça a peut-être été un petit peu difficile pour les Patriotes. La défaite va à la fiche de Michael Dupont, mais Michael Dupont qui a eu le filet pour toutes les séries, sauf la première partie contre Carlton, où est-ce que c'est Jean-Christophe Blanchard qui était le Cerbère. Donc, après une défaite, vendredi dernier, les Pats se pointaient à McGill pour tenter d'égaliser la série et ainsi forcer un match ultime. L'équipe ne pouvait pas se permettre de perdre. On le sait, quand tu perds la première partie, la pression se retrouve vraiment sur toi là, en partant. Donc, pas facile. Il y avait du monde à McGill. 1059 personnes à l'aréna à McGill, dans le shack. Là, c'est pas un... pas un très gros aréna, c'est légèrement plus gros que le Colisée Claude Mongrain ici à Trois-Rivières, là. Donc, une excellente foule, ça appuie beaucoup leurs équipes à McGill. Première période, pas de but, 12-10 les tirs pas mal plus pour McGill, donc pas mal plus chaud comme partie. Deuxième période, 8-7 les tirs pour les Pats, et un but, Francis Charlet, c'était d'André Joannis et Jean-Sébastien Breton, bon avantage numérique. On l'a, on a le momentum, on espère la meilleure des choses, on se croise les doigts. Troisième période, vous voyez, le monton vient de changer. Marc-André Dorion est venu égaler la marque sur un but en avantage numérique. Et finalement, Guillaume Doucet de McGill est venu compter à 10 minutes 39. Les Patriots ont vraiment tout donné jusqu'à la fin, puis vraiment, ils ont disputé une très, très bonne partie. Mais les Redmen, je le disais, avaient vraiment le vent dans le dos. Puis c'est une équipe, là, les Redmen, qui, ça fait trois fois de fil, là, trois fois en quatre ans, qui atteignent le championnat national, qui représente la division ici. Donc, c'est pas des deux de pique, c'est vraiment le début de saison qui est venu fausser les choses pour eux. Ils ont fini quatrième, là. Quatrième ou troisième, là, entre Concordia, ouais, ça se peut. Donc, par cœur, là, en tout cas, égalité Carlton environ. Donc, c'est ça. La défaite des Patriots, tant qu'à moi, ça se résume à deux choses. Premièrement, Kevin Défossé, là, il a accordé seulement deux buts dans la série. Sur 63 tirs. C'est une moyenne d'efficacité de 0.97, là, si on a placé ça en chiffre. Comment tu veux gagner une game? Comment tu veux gagner une série quand t'as un goaler qui est hot de même, là, de l'autre côté, quand il est en feu? C'est pas facile. Tant que moi, il a gagné la série, là, à lui tout seul, là. Les Redmen ont vraiment fait preuve de beaucoup d'opportunisme. L'entraîneur Jacques Laporte l'a d'ailleurs dit à ruefrontenac.com, puis je vais le citer, là. Mon message aux vétérans de dernière année en était un de remerciement. Merci d'avoir fait en sorte que les Patriots demeurent un programme gagnant. Ce fut un très grand match. Puis aussi dit, j'aurais aimé avoir la chance de diriger 28 rencontres de cette qualité pendant la saison régulière. Personne n'a à partir de la tête basse. Les Redmen forment une très belle équipe de hockey. Donc, tu sais, même l'entraîneur des Pats reconnaît que les Redmen étaient de taille. C'était pas... c'était loin d'être, tu sais, parce que les Patriots ont fini vraiment haut au classement cette année, mais... On s'attendait à qu'ils se rendent plus loin. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment... Ils ont pogné un gros club. Les McGill sont vraiment venus changer la donne. Ouais. Ils auraient pu finir pas mal plus haut. Deuxièmement, d'après moi, c'est la capacité des Redmen à totalement éteindre le premier trio des Pats, tu sais, le fameux Big Three, là, Boutin, Gravel, Demers. Ils n'ont pas fait un point. Les trois ensemble, pas un point dans toute la série au complet, dans les deux matchs. Donc, vraiment, c'est du jeu défensif de haute qualité, une excellente couverture de la part des Redmen sur le trio. T'sais, en saison, là, on s'entend là, que le trio cumulait les points plus vite qu'un voyageur au Mexique cumule les voyages aux toilettes. Donc, tu sais, c'est beaucoup de points, vraiment, beaucoup, beaucoup. Tu sais, quand les matchs se décident par un ou deux buts, ben c'est sûr que leur aide, là, ça aurait été précieux. Donc, c'est la fin de saison pour les Pats. C'est aussi la fin pour plusieurs joueurs de l'équipe qui ont fini leur stage universitaire. On parle ici de Mathieu Gravel, le capitaine, qui fait un baccalauréat en sciences avec une majeure en kinésiologie. 133 matchs pour Mathieu Gravel, 174 points. Il est un des meilleurs marqueurs, je pense, top 10 meilleurs marqueurs de tous les temps chez les Patriots. Éric Baudin, qui complète un baccalauréat en enseignement d'éducation physique et à la santé. 111 matchs en carrière, 61 points. Le défenseur, lui, va manquer beaucoup. Tommy Lafontaine, vraiment un pilier. Baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé. 140 matchs, c'est beaucoup ça. 140 matchs pour Tommy Lafontaine, 53 points. Lui qui avait même été faire un joueur un petit peu dans la Ligue nord-américaine l'an dernier, mais a décidé de revenir avec les Pats. Mathieu Simoneau qui fait un bac en sciences avec une majeure en kinésiologie et une mineure en masso-kinésiothérapie. C'est beaucoup d'études, ça. 112 matchs, 17 points à sa fiche. Samuel Bellin, baccalauréat en administration des affaires, 113 matchs, 56 points. Maxime Lemieux-Laramé, qui a été un fier collaborateur pour nous cette année, 93 matchs. Lui, il fait un baccalauréat en études françaises, langue et communication, donc a joué 93 matchs dans sa carrière avec les Patriots. Et Jonathan Boutin, donc un membre du Big Three, lui aussi, lui Gravel, donc il sera pas là l'an prochain. 147 matchs à sa fiche, 198 points. Donc, lui aussi, là, très haut placé dans les marqueurs de l'équipe. Lui est en ASK, baccalauréat en administration des affaires. Encore là, il faut qu'ils passent leur cours. Ouais, oh, non, non, mais souvent rendus là, ils ont pas mal fini. Ouais. Ils sont en stage et tout ça, donc tout dépendant. Et André Joannis, qui est en baccalauréat lui aussi en administration des affaires. 96 matchs, 31 points pour le défenseur format géant. À noter que Jonathan Bouté et André Joannis pourraient revenir avec l'équipe s'ils décidaient de poursuivre leurs études, avec un certificat, par exemple, quelque chose comme ça, mais il n'y a absolument rien de confirmé dessus, donc, là-dessus. Donc, sinon, on souhaite à tous ces joueurs bonne chance dans leur future carrière. Merci pour vos fiers services avec l'équipe. Donc, comme on dit, il y a eu plusieurs grosses pertes, mais la relève est bonne. Je pense Breton, Charland, on a vu des bonnes choses dans l'année de plusieurs joueurs. Bellavance Martin aussi, qui ont très bien joué en série, là, qui se sont distingués quand que la pression était trop forte sur le premier trio. Donc, ça regarde quand même bien pour les Patriots. Je pense pas qu'on va avoir une mauvaise année l'an prochain. Au soccer, les hommes étaient à Laval, les hommes et les femmes étaient à Laval, à Cap-Rouge plus précisément, pour la saison de soccer intérieur des Patriotes. Les gars affrontaient, ont donc perdu la partie 1-0 contre Laval, mais quand même une bonne fiche, là, une bonne partie pour eux. Laval qui est quand même classé deuxième au classement. Au classement final, les Patriotes, hommes, ont 2 victoires, 3 défaites et 1 match nul, ce qui leur permet de finir au 4e rang du classement de la Ligue, là, dans le fond, du football, de la Fédération québécoise des sports étudiants. Donc, ils vont affronter, là, en série, ils vont affronter, si je ne me trompe pas, c'est Sherbrooke qui, eux, ont fini 5e, vu que l'UQAM a une passe droite. Donc, ça va être intéressant, ça, c'est, les deux équipes ont autant de points. Chez les femmes, ça s'est terminé 3-1 pour Laval, mais vraiment, les femmes aussi ont disputé une bonne partie. J'ai parlé avec une des joueuses, puis bonne partie, ils ont bien joué. Malheureusement, bon ben ça a pas marché. Jessica Lavallée était la seule buteur chez les Patriotes. Les Patriotes, eux autres, finissent au 7e rang dans le classement. Ils vont affronter les Carabins de Montréal en début de série la semaine prochaine. Donc, c'est ce qui conclut la partie Patriote. On va passer à une petite pause. Au retour, ça va être le hockey junior avec Pierre-Luc Giroux. On a beaucoup de choses à parler. On se revoit dans 2 petites minutes. C'est tout.ca, c'est un portail d'information sur votre radio. Les actualités littéraires et les spectacles à voir absolument. C'est tout.ca, c'est le palmarès des concours et forums. C'est tout.ca, c'est le site de radio universitaire où vous pouvez visiter de la francophonie. C'est tout.ca, c'est la possibilité d'écouter vos émissions en ligne partout sur la planète. C'est tout.ca, c'est tout ça. Une présentation de vos dépôts. Hey, j'ai besoin de recharge! Va de charge, c'est moins cher! Tu comprends pas, je suis vraiment à sec! Ben justement, va de recharge, ils vont te rappeler ça, eux autres! En plus, les prix sont imbattables! La recharge, la place la moins chère pour remplir tes cartouches d'encre et laser. 1380 Boulevard des Récollets. Perds pas ton temps à aller voir ailleurs. Viens à la recharge. Salut, mon Danny! Ah, salut. Ça a pas l'air d'aller, mon chum? Bah, je pense que je suis du bout de la nouveauté, là. De la nouveauté? Viens avec moi, moi, t'arranger ça. Wow, aussi que tu m'amènes, toi, là. On s'en va à la barrique. La quoi? La barrique. Avec au-dessus de 300 sortes de bières différentes puis des nouveautés qui arrivent pratiquement toutes les semaines, tu vas voir, mon Danny, on va te les changer, les idées. En plus de ça, le monde qui travaille là sont vraiment trippants et ils connaissent ça pas à peu près. Fait que, embarque avec moi, on s'en va au 41-70, boulevard des Forges, juste à côté de la cage au sport. Le Blues de la Job, c'est 2 heures de blues avec votre hôte Sébastien Boucher tous les dimanches de midi à 14h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, la radio du campus de Trois-Rivières. Vous êtes assez fou. Les bains me disent ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Comme toutes les actrices dans les films américains dans les années 80, tu m'as donné espoir que peut-être un jour ce serait mon tour. Mais à la place, tu m'as regardé dans ma face et tu m'as dit oui quand j'étais devant ici, puis t'es parti sans. Et c'était Antoine Graton avec la chanson 500 000 milles, chanson qui était au 8e rang du palmarès, c'est fou, puis moi je dis que ça va continuer à monter, c'est vraiment à jouer comme tune, là. Ça réveille le matin. Il est présentement à 10h36, vous écoutez l'inconduite de partie, Giroud Ducharme en train de vous parler, il fait une magnifique pluie dehors sur Trois-Rivières, préparez-vous, ça va changer en verglas, donc... Si vous êtes en auto présentement, relevez vos essuie-glaces avant d'arriver là au travail ou peu importe. Comme ça va pas tout geler. C'est mon conseil de la journée. Conseil automobile. Donc, Pierre-Luc, on n'était pas là la semaine passée. Il a dû avoir gros du stock. C'est gros passé, du stock. Et oui, parce que Nicolas, c'est la dernière semaine d'action dans la saison régulière avant d'entamer les séries éliminatoires. Donc, on sait déjà là, à peu près pas mal à quoi va ressembler la première ronde des séries, à part quelques exceptions. Donc, on va commencer à parler, à regarder l'action de la semaine dernière de nos équipes de la région avant de justement de parler des affrontements qu'on aura en première ronde et aussi de la course aux séries parce que c'est loin d'être décidé là, en ce moment entre les Foreurs de Val-d'Or et les Maniacs de Lewiston. Ouais, c'est serré. Donc, tout d'abord, les Cataractes qui bataillent toujours pour le premier rang du classement général avaient un gros match vendredi soir alors qu'ils affrontaient l'équipe qui les talonne au classement, les Remparts de Québec. Et pour l'occasion, il y avait plus de 15 000 personnes au Colisée Pepsi pour le dernier affrontement de la saison entre les deux équipes avant les séries éliminatoires. On a droit à un match très enlevant, mais ce sont les Remparts qui ont eu le dessus dans cette partie. Les Remparts ont vaincu les Cataractes par la marque de 4-2 avec un but dans un filet désert en fin de match. La grande vedette du match a été le gardien des Remparts, Charles Lavigne, qui a stoppé 39 tirs. En plus de récolter une passe sur le deuxième but de son équipe. Le capitaine des Remparts de Québec, Benjamin Brault, a été le plus productif, lui qui a amassé 3 points avec un but et 2 passes. Et Casey Tessier a pour sa part... Comment? Casey Tessier. Non, Casey Tessier. Non, c'est pas Tessier. Eh oui, c'est Tessier. Non, c'est en anglais. Je m'en fous, c'est Tessier. Fais pas ton Pierre-Roud. Tessier. Fais pas ton Pierre-Roud, là. Non, je fais mon... Tessier. C'était vraiment, t'as un accent... T'as un accent anglophone de Québec, toi, là. Non, c'est un anglophone de Québec. Donc, c'est ça. Tessier a compté pour sa part 2 buts. Du côté des Cataractes, Mathieu Pustili a très bien fait, lui qui a compté 2 buts. Après avoir perdu 7-4 la semaine dernière, toujours contre les Cataractes, les Remparts ont démontré qu'ils pouvaient tenir tête aux grosses équipes de la Ligue et ils ont littéralement laissé un message aux Cats comme quoi ils n'allaient pas se laisser battre si jamais ils devaient les affronter en série. Bref, on a le droit à tout un match entre les deux équipes avec beaucoup d'intensité et aussi beaucoup d'ambiance dans le Colisée. On peut comme il y en avait là dans le temps des Nordiques de Québec. Ah, les souvenirs. Des beaux souvenirs. Ah. Donc avec cette défaite, les Cataractes ne sont toujours pas assurés de terminer au deuxième rang du classement général. Ils n'ont seulement qu'à remporter une victoire dans les deux derniers matchs pour s'assurer de cette place. Puis dimanche, les Cataractes se rendaient à Lewiston pour affronter les Maniacs, qui se battent toujours pour une place en série. Et les Cats ont eu beaucoup plus de misère qu'ils s'en attendaient alors qu'ils ont difficilement triomphé par la marque de 4-2. Les Cats tiraient de l'arrière par 2-0 dans la partie avant qu'ils explosent avec 4 buts consécutifs. La marque finale est donc 4-2 chez Armenigan. Les marqueurs pour les Cats ont été Simon Lacroix, Maxime Legault avec 2 buts et Nicolas Peterson. Le gardien des Cats, Gabriel Girard, a très bien fait, lui qui a stoppé 34 des 36 tirs dirigés vers lui. Les Cataractes termineront leur saison régulière cette fin de semaine avec 2 matchs qui ne seront pas de tout repos, alors qu'ils recevront tout d'abord les Olympiques de Gatineau vendredi et l'Océanique de Rimouski dimanche. Donc, les Cataractes, comme je l'ai dit plus tôt, ne sont pas assurés du deuxième rang au classement général, ouais. Alors qu'ils ont toujours la chance de devancer les Voltigeurs au premier rang avec un retard de 4 points et 2 matchs à disputer. Ce qui veut donc dire que s'ils amassent 2 victoires et que les Voltigeurs perdent leurs 2 dernières parties, les Cats remporteraient le trophée Jean Rougeau, ce qui est selon moi presque impossible. S'ils font ça, qu'ils aient aussi acheté un 6-49. Parce ouais, c'est que ça, parce que les Voltigeurs perdent prendre... 2 matchs. Hey, oublie ça, là. C'est ça. Puis, je veux dire, au niveau qualité de jeu. Mais là, ce qui arrive, c'est que en série, c'est les meneurs de division Fait que même si les cataractes finissent deuxième au classement, ils vont comme agir comme un peu comme la Ligue nationale, comme quatrième, comme s'ils venaient de terminer quatrième. Fait que, tu sais, dans le fond, ça leur donne quasiment rien de finir deuxième. Ben, c'est ça. T'sais, au niveau. Quand t'es dans une section comme ça, ben, c'est ça que ça donne. Mais au niveau avantage de patinoire. Ouais. C'est ben, ça, t'auras pas plus d'avantages. Non, c'est sûr, mais au niveau classement général, ils vont avoir quand même terminé au deuxième rang. Ce qui va leur nuire, parce qu'au prochain repêchage, ils vont repêcher deux rondes plus loin. Pas deux rondes, mais deux spots, là. Puis comme je l'ai dit plus tôt aussi, ben, avec trois victoires des Remparts et deux défaites des Cataractes, ils termineraient au troisième rang. Donc, rien n'est encore décidé pour eux. Ils devront jouer de gros matchs cette fin de semaine à l'amphithéâtre de Shawinigan, qui d'ailleurs a un nouveau nom. Ouais. Qui va maintenant s'appeler l'amphithéâtre Bienness. Le centre Bienness, je pense que j'ai lu. Ouais. Amphithéâtre ou centre Bienness. En tout cas, Donc, un très beau, lucratif contrat là, qu'on a eu avec cette compagnie. Mais il dit 50 000 par année, mais bon. Déjà, pour la fin de saison, je pense qu'ils vont leur donner une... Ouais, 10 000, c'est ça. À partir de cette année pour la fin de saison. Ben écoute, c'est une façon d'engranger des revenus. C'est sûr qu'il y a tout le temps des conservateurs qui vont dire que c'est triste parce que... Tu sais, l'autre s'appelait l'Arena Jacques Plante, puis ça, tu sais, ça a de l'historique, le meilleur joueur de hockey de la ville de Chicoutimi. Mais gars. De Shawinigan. Oui, de Shawinigan, je sais pas pourquoi j'ai dit Chicoutimi. Donc, mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut tourner la page. Tu sais, c'est un nouvel arena, c'est quelque chose de nouveau. Le Centre Bell s'appelle pas le Forum. Non, puis c'est un contrat de 4 ans, donc. C'est juste ça, un contrat de 4 ans, donc il n'y a rien encore de fait pour l'avenir. Puis après ça, ils veulent appeler ça l'amphithéâtre Jacques Plante, puis. Parce que. Faut que tu compenses. Si tu veux que quelqu'un s'appelle ça l'amphithéâtre Jacques Plante, faut que tu compenses au niveau financier. Ouais, l'aréna Jacques Plante est encore en vie, là. Ouais, mais là, il n'y aura plus de hockey. Il n'y aura plus de hockey, mais tu sais, je veux dire, elle va encore exister, mais on n'enverra pas son nom. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, c'est vrai. Ouais, moi, je pense que c'est un très, très bon contrat pour la ville de Shawinigan. Écoute, c'est une compagnie qui fait affaire dans plusieurs pays. Donc, je pense que ça peut être juste une bonne affaire là, pour les Cataractes. Je suis d'accord. Donc, on va maintenant parler des Voltigeurs qui, eux aussi, se devaient de gagner la semaine dernière s'ils voulaient conserver leur premier rang. Ils se rendaient tout d'abord à Baie-Comeau jeudi dernier pour affronter le Drakkar. Et c'est sans aucune difficulté qu'ils ont remporté la victoire par la marque de 8-5. Dans la victoire, Chris DiDomenico et Mike Hoffman ont chacun marqué deux buts. Marc-Antoine Desnoyers et Ryan McKernan ont pour leur part récolté 3 points. C'était Marco Cousino qui était devant les buts pour les Voltigeurs, lui qui affrontait son ancienne équipe. Et on ne peut pas dire qu'il a été très solide alors qu'il a accordé 5 buts en 26 tirs. Mais le gros match de la fin de semaine pour les Voltigeurs était sans contredit celui de dimanche, alors qu'ils affrontaient l'équipe de l'heure dans la LHJMQ, l'Océanique de Rimouski, qui avait une séquence de 17 victoires d'affilée. Les Voltigeurs avaient donc du pain sur la planche face à l'Océanique, en plus d'être à Rimouski devant presque 5000 personnes réunies au Colisée de Rimouski. La première période s'est jouée dans les avantages numériques, alors que Philippe Cornette et Félix Lefrançois de l'Océanique ont chacun déjoué le gardien Antoine Tardif, et Samson Mabod a réussi le même exploit pour porter la marque à 2-1. 2-1 Océanique après une période. Milieu de deuxième, le médaillé d'or au dernier championnat du monde, Patrice Cormier, est venu accentuer l'avance des siens pour porter la marque à 3-1. Mais c'est à ce moment que l'attaque des Voltigeurs s'est réveillée, inscrivant 4 buts de suite pour finalement se sauver avec la victoire par la marque de 5-4. Les Voltigeurs réussissent donc l'impossible en défaisant l'Océanique qui n'avait pas perdu depuis le 18 janvier. Et c'était d'ailleurs contre les Cataractes de Shawinigan. J'ai une question pour toi, Pierre-Luc. Penses-tu, là, comme on vient de dire, 16-17 victoires de suite pour l'Océanique, 17 victoires de suite? Penses-tu qu'on voit vraiment la vraie Océanique là qu'on voyait pas en début de saison ou... Bon, ils sont sur une bonne passe, mais tu penses pas que ça va durer en série? Ben, on a eu les retours des blessures. Ouais, c'est beaucoup ça. De retours de blessures, donc c'est sûr que ça l'a aidé beaucoup à l'équipe. Je pense qu'il y a une bonne chimie d'équipe en ce moment là, dans l'Océanique. C'est sûr que quand tu remportes 17 victoires de suite, veux pas, t'as le vent avec toi. Puis moi, je pense que l'Océanique, ça va être un gros club à battre pendant les séries éliminatoires, malheureusement. C'est ça. Dès la deuxième ronde, là, il devrait avoir peut-être une confrontation Remparts-Océanique. Sérieusement, là, j'ai un petit peu peur pour nos Remparts. Pour les Remparts, pas nos Remparts. Pour tes Remparts. Nos Remparts. Non, tes Remparts. Donc, on va parler aussi, là, c'était le gardien de l'Océanique, Maxime Goujon, qui a été désigné la première étoile du match. Lui qui a réalisé 34 arrêts. Quant à son gardien adverse, Antoine Tardif, il n'a pas été très occupé alors qu'il n'a reçu que 19 tirs dans le match. Les Voltigeurs n'ont donc besoin d'un point dans ces deux derniers matchs pour s'assurer du championnat et aussi de l'avantage de la glace durant toutes les séries éliminatoires. Ils recevront tout d'abord Richard Martel et ses Saguenayens vendredi avant de voir débarquer le Drakkar de Baie-Comeau dimanche. Et avant de parler de la première ronde des séries, juste un petit mot sur les Tigres de Victoriaville qui se sont assurés de finir au minimum au 11e rang avec une victoire face aux Saguenayens samedi dernier. Ils peuvent encore monter au classement alors qu'ils ne sont qu'à 2 points des Huskies et du 10e rang au classement général. Les Tigres termineront aussi leur saison la fin de semaine prochaine alors qu'ils recevront la visite des Foreurs de Val-d'Or vendredi avant de voir la troupe de Patrick Roy, les Remparts de Québec, se présenter au Colisée Desjardins dimanche. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, plusieurs séries sont déjà assurées d'avoir lieu. Donc, on a déjà une très bonne idée de quoi va avoir l'air la première ronde. Donc, tout d'abord, du côté de la section TELUS Centre, les Voltigeurs, qui ont presque le trophée Jean Rougeau dans la poche, sont toujours en attente afin de savoir qui sera leur premier adversaire en série éliminatoire, puisque les Maniacs se battent encore avec les Foreurs pour une place en série. Les Voltigeurs se confronteront soit aux Maniacs de Lewiston ou aux Titans de Caddy Batters, les deux équipes qui étaient sur le bord du déménagement justement là, cette année. Je crois que dans les deux cas, les Voltigeurs n'ont pas à s'inquiéter de leur sort puisqu'ils ont battu les Maniacs 6 fois sur 7 cette saison. Et le Titan, quant à eux, en sont à 11 défaites de suite en ce moment. Donc, attends, en fin de saison, les Voltigeurs ont affronté les Maniacs 7 fois? Ouais, parce qu'ils sont dans la même section. Ah, ça a du sens. Ça a du sens. Je pensais que les Maniacs jouaient dans l'Ouest. Dans l'Est? Non, ils sont dans TELUS Centre. OK, OK. Avec les Cataractes. OK, parce que ça se fait bien par la 55, j'imagine. C'est probablement là, les villes les plus proches de Lewiston. Il est peut-être temps que Lewiston revienne au Québec. Ouais, ça serait le temps pas mal. Ça serait le temps, ça dépend, ça va être tout, hein, parce que là, le propriétaire s'est mis dans le trouble là-bas, là, Mark Just. Il peut plus envoyer ça à Boisbriand, parce que le junior a dit non. C'est ça, c'est sûr que ça sera pas à Boisbriand. On parle de à Terre-Neuve en ce moment. Ah, ça serait plus Bathurst, là, mais on parle de Terre-Neuve. OK. Puis, revenir, mais encore là, les équipes sont pas, les propriétaires sont pas vraiment en faveur de ça parce que c'est beaucoup plus de voyagement, ben, c'est ça, etc. Ouais. Donc, mais tu sais, c'est un bel aréna. Pourquoi ne pas penser à Trois-Rivières? Parce que Trois-Rivières n'a pas d'aréna pour l'instant. Maudit aréna, hein? Ouais. On va t'en construire une, aréna. Ben, il en parle. Je sais que ça se parlait, mais tu sais, entre ça puis faire la première pelletée de terre, il y a tout le temps beaucoup de tractations ben, dans les coulisses. Il se parle de Sorel-Tracy aussi, que j'ai entendu parler, mais j'en doute fort. Je pense pas que Sorel-Tracy est une ville... qui va être capable de... Ben, c'est pas une ville qui est extrêmement dynamique non, au ben, niveau c'est pas, de c'est beaucoup pas une de chômage. Ville non plus qu'il y a extrêmement beaucoup de monde. Je sais pas, là, je me souviens plus, Sorel, c'est 50 000 à peu près, mais gars, c'est pas... penser à Lévis, encore une fois, Lévis qui mais t'as pas d'aréna. Dans le décor. T'as pas d'aréna. C'est sûr. Ah, c'est toute la question des infrastructures au Québec. C'est ça, donc c'est certain qu'une série qui pourrait être plus intéressante est vraiment celle qui va confronter deux ennemis de longue date, les Cataractes de Shawinigan au Tigre de Victoriaville. C'est certain que les Cataractes ont vraiment un club beaucoup supérieur à celui des Tigres. Mais Victoriaville pourrait être une des équipes qui pourrait venir mêler les cartes en série éliminatoire avec des joueurs comme Andrew Nestroisil et Philippe-Michael DeVos. Là. Donc, moi, je pense que ça va être vraiment une série à surveiller. Tu penses ça, toi? Ouais. Moi, je pense que Victoriaville pourrait surprendre en première ronde. OK. Ton opinion. C'est mon opinion personnelle. Ton opinion. Moi, je me prononcerai pas tout de suite, mais je pense qu'on la semaine prochaine, les prédictions là, de M. Ducharme et de M. Giroux. Oh, donc, préparez-vous. Eh oui. Maintenant, si on se transporte du côté de la section TELUS S, tout d'abord, les Remparts de Québec affronteront assurément le Drakkar de Baie-Comeau en première ronde. Le Drakkar n'est pas une équipe à prendre à la légère non plus, alors qu'ils ont donné du fil à retordre dans quelques matchs cette saison à la troupe de Patrick Roy. Donc, encore une fois, là, le Drakkar de Baie-Comeau, qui pourrait être une équipe qui pourrait surprendre, malgré qu'ils n'ont pas fini dans des bons rangs. C'est une équipe quand même qui a du power. Ouais. Une autre série qui est assurée depuis longtemps opposera l'Océanique de Rimouski au Saguenay-Chicoutimi. C'est certain qu'à voir comment l'Océanique joue dans les dernières semaines, je vois pas comment les Saguenay-Chicoutimi pourront rivaliser avec eux. Mais ce sera à surveiller. Quelle sera la tactique de Richard Martel face à un gros club comme ça? Va-t-il sortir les coups sales comme il l'a fait dans le passé? On verra bien. On verra bien. On verra bien. Du côté de la section TELUS Ouest maintenant, l'équipe la plus surprenante en deuxième moitié de saison, les Olympiques de Gatineau, attendent eux aussi toujours le résultat afin de savoir qui sera leur premier adversaire. Ils feront face soit au Foreur qui tente de s'accrocher dans le dernier tiers de la saison pour se tailler une place, ou le Titan d'Acadie Batters qui ne va guère loin dans les derniers temps. Je crois qu'on aurait droit à une bien meilleure série si ce serait contre les Foreurs, car c'est certain que les deux équipes sont de très grands rivaux, et aussi je crois personnellement que les Foreurs pourraient avoir un meilleur sort face aux Olympiques que le Titan. Une autre série qui est assurée depuis longtemps opposera le Junior de Montréal aux Huskies de Rouyn-Noranda. C'est probablement la série à laquelle on ne peut vraiment pas savoir de quel côté ça ira, puisqu'on a quand même deux équipes de force égale avec seulement 3 points qui les séparent au classement. L'avantage de la glace là est d'ailleurs encore à déterminer entre les deux équipes. Mais je pense que Montréal est un peu sur une pente descendante présentement. Ça se peut-tu? Ben là, ils ont plus Esposito. Non, mais moi, personnellement, à Montréal, je crois que ça n'ira pas loin. Non, moi non plus. Moi non plus. Même s'ils finissent avant les Huskies, je pense que les Huskies sont une équipe qui ont beaucoup plus d'intensité. À moins que Jake Allen sorte des performances vraiment phénoménales. Ouais, c'est sûr qu'ils ont quand même un gardien numéro 1. Sinon, ça regarde mal. J'aurais pas dit avec Esposito, ça aurait été très différent, mais... Encore là, Esposito, quand il était... On avait juste ça à Québec, puis il a pas été capable de mener remport plus loin. Ouais, mais c'est quand même un joueur de premier trio, là. Il te manque au premier centre. C'est quand même un très bon joueur. Il a gagné une médaille d'or au championnat mondial. Fait que c'est un gros jambon qui manque là, sur le cochon. On va terminer en parlant de la section des Maritimes. Rien n'est encore décidé dans cette section pour le premier rang, puisque 2 points séparent les Screaming Eagles des Wildcats, et peut-être que leur sort se décidera seulement à leur dernier match, alors que les deux équipes se feront face. Mais les Wildcats, avec un match en main, on leur sort entre les mains en remportant les deux autres parties. Donc, il y a de fortes chances que les Wildcats terminent au premier rang, ce qui veut dire qu'ils feraient face aux Rockets de l'Île-du-Prince-Édouard en première ronde. Les Wildcats ont remporté leurs 6 matchs face aux Rockets cette saison, donc je crois que ce sera une ronde très facile pour eux. Quant aux Screaming Eagles, ils affronteront probablement les Sea Dogs de Saint John en première ronde, ce qui serait une tâche beaucoup plus ardue pour eux. Donc, c'est ce qui termine les actualités de la LGMQ. Juste terminer pour en parlant du calendrier de cette fin de semaine. Donc, on a beaucoup de matchs qui ont lieu ici dans la région. Tout d'abord, à Shawinigan, comme je l'ai dit, vendredi soir à 19h30, on reçoit les Olympiques de Gatineau. Et l'Océanique de Rimouski, c'est dimanche à 16h. Du côté de Drummondville, on reçoit les Saguenayens vendredi à 19h30 toujours. Et on reçoit le Dracard dimanche à 16h. Et du côté de Victoriaville, les Tigres recevront la visite des Foreurs vendredi soir à 19h30. Et les puissants remparts de Québec le dimanche à 4h. Donc, c'est terminé pour la junior majeure. Ne manquez pas la semaine prochaine le spécial junior majeure à l'inconduite de partie. On va avoir des prédictions, des statistiques. Je pense que ça va être une émission avec beaucoup d'action. Ah ouais, ça va être très bon. On va avoir du plaisir. Suite du calendrier chez les Patriotes, les filles vont jouer au soccer. Les filles et les hommes, c'est les séries qui commencent, les quarts de finale. Donc, les filles vont affronter Montréal, ici même à Trois-Rivières, dimanche à 14h. Et les hommes vont affronter Sherbrooke à 16h, 2 heures plus tard, ici même encore à Trois-Rivières. Aux États-Unis, NCAA, c'est le March Madness qui commence très bientôt. Ça commence jeudi prochain. Donc, ne manquez pas, dimanche, ça va être ce qu'on appelle le Selection Sunday. C'est-à-dire qu'on prend, parce qu'il y a 65 équipes qui participent au tournoi, 32 viennent des conférences, de différentes conférences sont assurées, vu qu'ils ont gagné la conférence. Les autres sont choisis selon un panel, un regroupement, si je peux dire, de juges qui vont décider... quelle équipe mérite d'être choisie, quelle équipe ne le mérite pas. Et ensuite, le mardi, il va avoir un match entre la 65e et la 64e position pour savoir lequel de ces deux-là accède au tournoi. qui vont jouer contre la meilleure équipe au pays puis qui vont se faire planter. Ouais, mais... C'est mais c'est juste la fête de participer au tournoi. Ah, ben c'est immense parce que ça a l'air de rien. 65 équipes ont fait 6 gigas à test, mais il y a au-dessus de 320 programmes de basketball dans la NCAA aux États-Unis. Mm. Donc, c'est vraiment, vraiment immense. C'est tout un gros événement là, que j'adore participer pour faire ce qu'on appelle faire nos braquettes sur Internet. Donc, vous allez sur différents sites de pool, vous vous regroupez avec des amis, même si vous connaissez pas ça. Puis, c'est celui qui prédit qui va se rendre jusqu'au bout. Je sais qu'il y a certains sites, si tu as une braquette parfaite, c'est $1 million que tu gagnes. Ouf! Mais, je me rappelle une année, là, sur les 32 premiers matchs, j'en avais 31 de bons. Puis après ça, je me suis planté, puis j'ai rien gagné de bon. J'ai même pas fini premier. Quand tu te fais sortir tes meilleurs gars, bon, ben, tes meilleures équipes après ça, t'es dans le trouble. Et finalement, combat de championnat du monde entre Zuniga et Lucian Bouté, c'est vendredi. Ça va être sur les zones de SRC vers 10h30, là, je l'ai pas exactement. Donc, ne manquez pas ça non plus. Alors, on va maintenant aller en musique, on va réessayer de la réécouter, on va aller voir si on peut l'avoir. Myriam du groupe Mauvais Quart d'heure. Myriam est de retour, on va voir ce que ça donne. Donc, passez une belle semaine, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine. Myriam pour un soir, achevé sans effort. Myriam est la mort, Myriam pour son corps. Étrangère, mélodrame, en plein désert, Myriam, elle préfère un gramme de somnifère. À gauche des soupirs, la chair et les plaisirs de la facilité, elle bouge, elle respire. Calme pour sortir de la réalité. Myriam et son désir de soleil.